Hallo. Bonjour, c'est encore moi, Klaus de Franconi. Dans ma dernière vidéo, j'ai montré que les médias de masse nous ont menti de la manière la plus grossière en se mettant au diapason sur le nombre de participants à une manifestation à Berlin. Et j'ai dit, les médias de masse, ils sont complètement nuls. Je vais le résumer encore une fois. Nous n'avons pas un problème avec une mafia financière, une mafia pharmaceutique, une mafia de la téléphonie mobile ou une mafia du CO2. Mais nous avons, en tant qu'humanité tout entière, un seul et unique problème. Ce sont les médias de masse alignés. Et c'est ça mon message. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet d'actualité brûlant concernant la vaccination. Car moi aussi, je suis en ébullition. S'il vous plaît, je vais peut-être m'énerver un peu. Mais là, c'est la vaccination obligatoire pour l'Allemagne et l'Autriche qui nous menace. J'aimerais de nouveau attirer l'attention sur l'uniformisation et montrer comment nous pouvons y mettre fin ensemble. Le problème est tout simplement qu'une partie de la population s'informe encore par le biais des médias de masse et n'entend que cette mise au pas. Propagande vaccinale 24 heures sur 24. Le seul moyen de sortir de cette pandémie, vacciner, vacciner, vacciner. Et les gens sont littéralement contraints de se faire vacciner. Jamais les dommages causés par les vaccins ne sont abordés. On se contente d'apaiser les choses ou de les balayer simplement d'un revers de main. Et puis nous avons une autre partie de la population. Celle-ci a déjà compris cette uniformisation, cette gigantesque escroquerie médiatique. Elle s'informe par le biais de médias alternatifs et y obtient des informations diamétralement opposées. Elle y entend des voix d'experts différentes de celles qu'on entend dans les médias grand public. Les dommages causés par les vaccins y sont révélés et pas simplement ignorés. Nous avons donc ces deux groupes et c'est un énorme potentiel de division. Les gens ne se comprennent plus. Je ne dis qu'une chose. La division est provoquée par les médias de masse alignés, car ils refusent catégoriquement le débat public. Ils n'admettent aucune autre voie d'experts. Ils ne tiennent pas compte des dommages liés à la vaccination. Je voudrais maintenant citer un autre exemple qui montre comment les médias de masse refusent ce débat public, et ce à l'aide de chiffres officiels de l'Institut Paul Ehrlich. Avant la crise du Covid, l'Institut Paul Ehrlich recevait en moyenne 10 rapports par an sur des personnes décédées après avoir été vaccinées. Depuis que nous vaccinons contre le Covid, l'Institut Paul Ehrlich a signalé 1802 décès en moins d'un an. Situation au 30 septembre 2021. C'est une augmentation exponentielle. Cela ne fait pas l'objet des débats. Ce sont simplement des cas suspects. On nous rassure. Pourtant, cela doit être discuté. Mais on préfère discuter de la vaccination obligatoire pour tous. C'est le comble de l'irresponsabilité. Le nouveau ministre de la Santé, Karl Lauterbach, exige la vaccination obligatoire pour tous aussi vite que possible. L'obligation vaccinale pour le personnel soignant a été imposée en décembre en seulement une semaine par le Bundestag allemand. La prochaine semaine de session débute le 10 janvier. L'obligation de vacciner pour tous peut donc aller très vite. Parallèlement, des milliers de promeneurs protestent dans la rue et font savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec l'obligation vaccinale pour tous. C'est énorme ce qui s'est passé en si peu de temps, en quelques semaines. Je n'aurais jamais cru cela possible. Et aujourd'hui, je voudrais apporter une proposition complémentaire à tous les promeneurs réveillés, une stratégie à court terme pour éviter cette obligation vaccinale. En effet, la protestation n'a pas seulement sa place dans la rue. C'est bien et c'est important. Mais la protestation doit aller là où elle doit aller, c'est-à-dire chez les politiciens. Je voudrais maintenant montrer à l'aide de l'exemple de l'Allemagne comment se déroule cette vaccination obligatoire et quel en est l'aspect décisif. Mais cela vaut aussi pour l'Autriche et je m'adresse donc également aux Autrichiens. En Allemagne, environ 700 députés du Bundestag décident de cette loi sur la vaccination obligatoire. Chacun de ces députés représente une circonscription électorale dont tu fais partie. Certaines circonscriptions ont également deux ou trois représentants au Bundestag. Ce sont tes représentants personnels au Bundestag allemand. Ils te représentent au Bundestag. Pour trouver ces députés, il suffit de gloguer Bundestag/député/circonscription et tu les trouveras. Nous affichons également le lien. Vous trouverez également leurs coordonnées. Généralement, ils ont un bureau à Berlin où vous pouvez les joindre ou bien dans leur circonscription. Et ma stratégie est simplement la suivante. Nous devons parler avec les politiciens, calmement et objectivement. J'ai déjà eu de nombreux entretiens avec des politiciens et je voudrais vous dire une chose. Je n'aime pas du tout les palabres de comptoir où l'on s'en prend aux politiciens. Je ne voudrais pas de tout cela. Ce que j'aimerais, c'est au contraire une discussion calme et objective et que vous puissiez simplement faire part de vos préoccupations. Et ça, c'est votre droit. Imaginez un peu que tous ceux qui descendent dans la rue pour protester contre l'obligation vaccinale se manifestent soudainement auprès de leurs députés. Les lignes téléphoniques vont chauffer. Et tout d'un coup, la pression de la population, je dis bien la pression de la base, devient plus forte que la pression du lobby pharmaceutique ou même la pression de n'importe quel responsable de parti. Dites donc à ces députés qu'ils n'ont pas le droit de décider de votre corps, de disposer de votre corps. En tant que peuple souverain, vous ne leur avez pas donné de mandat pour ça. Assument-ils la responsabilité des dommages que vous subissez lors d'une vaccination? Il s'agit en fin de compte de votre responsabilité et donc de votre droit de pouvoir prendre une décision par vous-même. Ils n'ont pas le droit de prendre cette décision à votre place. Mon message est simple, décrochez le téléphone. Restez objectif et calme et n'attendez pas une minute de plus. Ne vous défilez pas, insistez pour avoir une conversation. Je voudrais également encourager tous ceux qui disent « Oui, mais je ne suis pas assez éloquent, je ne suis pas assez compétent. » Je voudrais simplement dire « Les hommes politiques sont eux aussi principalement informés par le mainstream. » Apportez-leur donc ces informations. Engagez le dialogue avec eux. La première priorité est tout simplement de leur dire que vous en avez gros sur le cœur. Dites ce qui vous pèse sur le cœur. Parlez avec ces politiciens. Je voudrais encore vous donner un tuyau sur la manière d'argumenter, sur ce qu'on peut évoquer ici. Cela sera peut-être utile à l'un ou l'autre, et c'est même très intéressant. Une revue spécialisée très renommée explique que Pfizer a triché au moyen d'une étude falsifiée pour obtenir l'autorisation du vaccin. Cela vient en effet d'être révélé dans le British Medical Journal, une revue scientifique très renommée. Ce que nous vivons maintenant doit se concentrer sur un point crucial. Le manque d'efficacité doit être démasqué en pratique, et c'est pourquoi nous devons argumenter en nous basant sur la pratique. Nous avons un an de vaccination COVID derrière nous, et nous devons tirer un bilan. Ne plus nous limiter à toutes ces palabres scientifiques. Nous devons discuter sur la base des chiffres réels. Je voudrais maintenant citer brièvement trois rubriques. Premièrement, des doutes considérables sur l'efficacité des prétendus vaccins COVID. Même l'Institut Paul Ehrlich a changé la définition de ses vaccins et n'ose plus parler de protection. Il a retiré de sa page d'accueil cette déclaration selon laquelle les vaccins protègent contre une évolution grave. Les pathologistes constatent des impuretés dans les vaccins. Tout ce qu'on dit de l'immunité de groupe n'est pas justifié, parce que nous constatons que dans des pays qui ont un taux de vaccination très élevé, il y a des épidémies massives de COVID. En Grande-Bretagne, selon des chiffres publics du gouvernement britannique, 80% des personnes décédées du COVID avaient reçu 2 ou 3 doses. Puis maintenant, le grand sujet avec Omicron. Le RKI reconnaît publiquement que 95% des personnes infectées sont vaccinées. Alors pourquoi avons-nous besoin d'une vaccination obligatoire? La deuxième rubrique que je voudrais citer s'intitule « Graves dommages causés par les vaccins et passés sous silence ». Un documentaire d'Israël, le champion du monde de la vaccination, montrent les dommages massifs causés par les vaccins, ou des témoins racontent ce qui leur est arrivé après la vaccination. Nous affichons le lien. En Allemagne, nous avons montré dans toute une série d'émissions de nombreux cas de décès après vaccination dans des maisons de retraite. Par exemple, à Uldingen, sur 38 personnes vaccinées dans une maison de retraite, 13 sont décédées peu après. Ensuite, nous avons une augmentation massive du nombre de sportifs qui tombent d'un coup et s'effondrent. Nous avons des fausses couches qui explosent chez des femmes enceintes qui ont été vaccinées. La troisième rubrique est simple. C'est une violation de la loi. C'est contraire au code de Nuremberg. C'est contraire aux directives de l'UNESCO, parce qu'il faut notre accord volontaire. Et je vous recommande tout simplement deux émissions. Vous pourrez y voir tous les arguments que j'ai énumérés ici, avec les sources, et vous y trouverez également les preuves de ces sources. Et maintenant, pour conclure, aucun député n'oserait voter en faveur d'une vaccination obligatoire si nos médias de masse alignés faisaient des reportages critiques sur cette vaccination. ARD, ZDF et RTL ne diffuseront pas mon appel. C'est notre problème de fond et c'est pourquoi il n'y a qu'une seule solution. Il faut que nous devenions actifs. Il faut que tu deviennes actif. Il faut que tu prennes conscience de ton pouvoir. Ne reste plus passif. Il faut que tu fasses passer l'information par mail, par WhatsApp, par tous les moyens. Attire l'attention des autres sur la proposition que j'ai faite aujourd'hui. Partagez-la dans vos groupes locaux. Faites circuler la vidéo pour que tout le monde puisse agir. Et décrochez le téléphone. C'est tout pour aujourd'hui de la part de Klaus Franconi. J'ai terminé.